de celle que l'on a en soi quand on a 10 ans. Quand on regarde le ciel et les nuages qui dansent, et qu'on imagine un tas d'animaux géants. Quand on partait se balader à vélo, avec mon père sur les berges de la rivière. Quand on chassait les escargots, après la pluie sous les fougères, où sont passés mes yeux d'enfant, ceux qui voyaient la vie avec d'autres couleurs. Où sont passés mes rires d'antan, gommer mes erreurs. Je me souviens quand j'attendais ma mère au coin de la rue le mercredi matin. On rentrait lentement, main dans la main, les rues ouvrières. Où sont passés mes yeux d'enfant, ceux qui voyaient la vie avec d'autres couleurs. Où sont passés mes rires d'antan, ceux qui gommaient mes erreurs. Bien sûr, il faut savoir grandir un jour ou l'autre, laisser son enfance derrière la porte, mais en garder la clé pour que de temps à autre, nos souvenirs nous emportent. Où sont passés mes yeux d'enfant, qui voyait la vie avec d'autres couleurs. Où sont passés mes rires d'antan, ce qui gommait mes erreurs. Où sont passés